Je branche l'écran, chauffe la souris, juste pour voir dans sa mémoire s'il y aurait pas de la compagnie. Le réseau n'est pas saturé. Je vais pouvoir y dialoguer, rechercher toute la nuit un ange ou un démon. Étrange révolution, un clic et te voilà, là juste en face de moi. Allez, allez, parle-moi. Quand je l'ai trouvée, je la lâche plus, qu'elle soit détraquée ou tordue. Elle me fait oublier vraiment mauvais passé, mauvais moment. Se remettre à la solitude. Ce soir, je retrouve un ange ou un démon. Étrange révolution, un clic et te voilà, là juste en face de moi. Allez, allez, parle-moi. Un jour j'aurai plus besoin d'elle, un jour ma vie sera plus belle. Fini les nuits à discuter, ça fera du bien à mon forfait. Merci pour tous ces bons moments, c'était mieux que les médicaments. Adieu. Jamais, oublie-moi. Mon ange ou mon démon, loin de mon moi. Étrange révolution, oublie-moi. Un clic et tu t'en vas, loin de là moi. Très très loin de moi.